Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 6 septembre 2016. Voici les grandes articulations de cette édition. Un jeune garçon, la vingtaine, habitant la zone Kamengue, s'est donné la mort ce mardi. Sa famille s'interroge toujours. Deux corps sans vie ont été retrouvés ce matin, flottant sur les eaux de la Rusizi, du côté de la colline Rusiga, en commune Rugombo, de la province Chibitoke. 25 détenus de la prison centrale de Mimba ont été transférés à la prison de Rumonge et à la prison de Gitega. Vous aurez les détails dans ce journal que nous terminerons par la chronique santé en reparlant de l'accident vasculaire cérébral. Ça sera avec le cardiologue Constantin Nyamuzangour. Rebonjour. Deux corps sans vie ont été retrouvés ce mardi matin, flottant sur les eaux de la rivière Rusizi, du côté de la colline Rusiga de la commune Rugombo en province de Chibitoke. Ils ont été aperçus en premier par des habitants qui se rendaient dans leur champ. Les deux corps déjà en décomposition sont respectivement d'un homme et d'une femme. Selon des sources en provenance de Chibitoke, au niveau de l'administration et de la police, l'on indique ne pas avoir identifié les deux personnes tuées. Personne non plus n'a déclaré jusqu'ici avoir perdu une quelconque parenté. Et deux personnes ont été arrêtées ce lundi à Boubanza pour enquête sur le double meurtre commis dans la nuit de dimanche à lundi à Nyamabere, en commune Manda. Le véhicule de Gitabou Saleh est suspecté d'avoir été utilisé lors de l'assassinat de Nirugira Amédé, caissier communal à Manda, et Boussoni Innocent, commerçant au marché de Moussegni, dans cette même commune. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La boisson appelée Splina est toujours vendue dans des boutiques de la ville de Gitega. Cela étant, le ministre du Commerce avait exigé l'arrêt de la fabrication ainsi que de la vente de cette boisson pour que des études puissent être menées et voir si ce produit n'est pas nuisible à la santé de la population. Le conseiller principal du gouverneur, quant à lui, nous a indiqué qu'ils sont en pleine campagne de retrait de ces produits dans les boutiques et que l'usine où il a été fabriqué a été fermée. Correspondance d'Arthur Kavaouch. Même si les boissons Splina continuent à s'observer dans différentes boutiques de la ville de Gitega, le conseiller principal du gouverneur de la province Gitega, Gérard Nivigira, fait savoir que les travaux de l'usine Splina ont été interrompus et qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de tirer ce produit de boutique. Ce conseiller du gouverneur dit qu'ils ont commencé à faire ce travail après avoir reçu la correspondance du ministre du Commerce leur demandant d'interdire la fabrication des boissons Splina ainsi que d'autres produits qui y sont ici afin de permettre aux experts de mener des études et de voir si ce produit n'est pas nuisible à la santé de la population. Il a également fait savoir que la lettre du ministre du Commerce a été suivie par celle du ministre ayant l'intérieur et la formation patriotique dans ses attributions qui leur demandait de mettre en exécution la décision du ministre du Commerce. Ce conseiller du gouverneur a indiqué que le jour de leur descente à cette usine, le propriétaire de cette dernière leur a demandé de verser tous les produits qui étaient périmés et d'emporter tout ce qu'il avait déjà fabriqué. Ce conseil du gouverneur souligne en outre que les boissons Splina déjà saisies sont au parquet en attendant ce qui ressortira des études des experts qui sont en train d'être menées tout en appelant à toute la population et surtout les commerçants d'arrêter de vendre ces produits et de les mettre à la disposition de l'administration. Arthur Kava, Bouchi Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Et un commerçant opérant en commune Gisagara de la province Tchankouzo accuse le gouvernement provincial de lui priver de son droit de commercialisation du sucre. Il dit qu'il a l'autorisation de s'approvisionner à la Sosumo, mais déplore le fait qu'il n'a jamais vendu de sucre depuis le mois de juillet. Il accuse ainsi le gouverneur de le malmener pour une simple raison, il n'est pas membre du parti au pouvoir. Ce que rejette Désiré Ndjidji, gouverneur provincial de Tchankouzo. Le point avec Jean-Claude Chimirimana.

Ils sont en train de faire des rénovations du dortoir, comme l'indique Tarsis Vendano Kira, directeur de ce lycée. Nous sommes en train de préparer où ils vont loger, surtout le dortoir des filles, parce qu'ici, on loge seulement les garçons. Nous sommes entendus avec le ministère de l'Éducation. Ils nous ont promis quelques fonds pour transformer le dortoir des garçons pour avoir un dortoir des filles. On a prévu des salles de classe de la 7e fondamentale, c'est-à-dire chaque classe, 30 élèves par classe, c'est-à-dire que ceux qui ont été orientés ici vont être orientés ailleurs. En outre, au lycée Saint-Marc, aucune activité n'est encore entreprise pour préparer la rentrée scolaire, comme le dit Victoire Boutoyi, directrice de cet établissement. Pour le moment, nous détenons seulement l'information que l'école va bientôt être traitée comme une école d'excellence. Donc, question des préparatifs, on n'a pas grand-chose pour le moment. L'école en soi n'avait pas de cycle inférieur. Nous n'avions que des élèves qui étaient orientés par le gouvernement à partir de la 3e scientifique. Nous n'avions d'ailleurs qu'une seule section. Avec la 7e d'excellence, nous attendons les orientations qui vont être effectuées par le ministère. Il y aura 6 écoles d'excellence au niveau national et les écoliers passeront le test d'entrée le 14 septembre. Merci Alida Ndaïkeza. Je précise aussi que vous êtes stagiaire à notre station éducation toujours avec cet éclairage d'un avocat, Maître Arakaza Albert, qui nous dit que la loi burundaise n'autorise aucune autorité scolaire ou administrative de déchirer le diplôme de quelqu'un. C'est la réaction de ce juriste après que les élèves du lycée Moussinzira aient été obligés de payer une somme d'argent variant entre 30 et 50 000 francs burundais comme frais de réparation des dommages causés lors d'une bagarre éclatée entre les élèves du lycée Moussinzira et du lycée communal de Gishoubi. Celui qui ne parviendra pas à payer tous les frais verra son diplôme déchiré après 3 mois, avait-on précisé. Suivez Maître Arakaza Albert. Pour ce qui est de la destruction de diplômes, je pense à une blague plutôt, parce que il n'est pas autorisé à une autorité quelconque de détruire, de déchirer le diplôme des élèves. Peu importe les infractions ou même les dégâts qu'ils auraient causés. Parce que la réparation des dégâts est pécuniaire. Ça veut dire que c'est par rapport à l'argent, ce n'est pas par rapport à la destruction. Je suis très convaincu que la dite autorité, en vérifiant dans le règlement des écoles du Burundi, ne va nous trouver nulle part où lui est permis de déchirer des diplômes d'un élève au motif qu'il est coupable d'une telle infraction. Et j'interpelle l'autorité hiérarchique plutôt à vérifier rigoureusement si cette décision est conforme à la loi. Et estime que c'est conforme à la loi, ça veut dire qu'elle sera solidairement responsable de la décision. Si elle estime que ce n'est pas conforme à la loi, il faudrait l'annuler ou la réformer. Donc c'est cela qui devait être fait. Et au niveau des élèves, ils ont le droit de faire des recours, que ce soit le recours administratif, qu'il y ait le recours classique ou le recours hiérarchique. C'était Maître Arakaza Albert au téléphone avec Marie-Ange Nzeiman. En actualité internationale sans transition, en Afghanistan, on parle d'une attaque qui a visé ce mardi une organisation caritative du nom de Pamlarena. C'est dans le centre de Kaboul où au moins une personne a été tuée. En Libye, la France craint que les combattants djihadistes du groupe État islamique se retranchent en Tunisie et en Égypte une fois qu'ils seront chassés de leur place forte en Libye et au Brésil. 5 jours après sa destitution, l'ex-présidente brésilienne Dilma Rousseff dénonce une guerre politique sale et hypocrite. Gildas Rubeninga. En Libye, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian a mis en garde ce lundi 5 septembre contre un risque d'éparpillement des djihadistes du groupe État islamique vers la Tunisie ou l'Égypte. Comme le lit sur le site de Jeune Afrique, cela va présenter de nouveaux risques et pour la Tunisie et pour l'Égypte, trouvant dommage que l'ensemble des États voisins de la Libye ne soient pas réunis pour réfléchir à la question de l'éparpillement des terroristes, profitant du chaos régnant depuis la chute du colonel Muammar Kadhafi en 2011, avec des combats entre milices et une profonde instabilité politique, les djihadistes s'étaient emparés en juin 2015 de Sirte, la ville natale de Kadhafi. Au Brésil, Dilma Rousseff continue de clamer son innocence des accusations de manipulation comptable qui sont officiellement à l'origine de sa chute. Selon le site Le Monde, pour Madame Rousseff, il y avait une autre motivation derrière sa destitution, celle d'interrompre l'opération Lava Jato, de stopper toutes les investigations liées à la corruption, au blanchiment